à l'entrée de l'autoroute. Je lève mon pouce, je suis confiant. Je prends des visages à la loupe. J'attends 2 heures, ils sont méfiants. Le gars des boules s'arrête. Et mon frère, tu vas où? Je monte à l'arrière, mais à mi-chemin. On paye l'essence avec tes sous. Putain, mec, moi tu voyages et mes équipes sont friches. Je comprends pas si je fais qu'est-ce que l'intérêt de faire du stop. J'en ai pas, je peux te montrer, je voyage toujours très léger. Puis maintenant, j'aimerais sortir, laisse-moi là, faut que j'aille au shot. Les gars sont flippants. Ils m'ont pas touché un seul mot. Depuis notre dernier accro, j'ai plus notion du temps. Dehors il fait nuit noire. Et je n'ose pas imaginer comment ceci va se terminer.